On m'a souvent dit je t'emmène, que des paroles en l'air, leur discours c'est le même. Les trahisons, les coups durs, j'oublie rien et j'encaisse. Derrière un sourire pour cacher ce qui me blesse, prenez ce que vous voulez. Muet face aux peines, ça change pas. On m'a dit la vie est belle pour moi, elle manque de charme alors ça tease et ça traîne. On a que ça pour oublier, et c'est la crise dans nos têtes, on sait plus à qui se fier. Que des traîtres, je le vois quand je saigne, c'est ceux qui m'appellent frère qui remue la plaie. Arrête ton cinéma, t'assumeras pas ton rôle. Ne couronne pas une femme si tu n'assumes pas ton trône. Ce soir je prends le volant, pied au plancher je me sens laid. Moi j'ai tiré avant, Cupidon reprend tes flèches. Parfois je deviens insolent, c'est comme ça que je me protège. J'ai peur des sentiments, dur de dire je t'aime. Des fois je veux quitter le sol, te rejoindre au ciel. Quand mon téléphone sonne, je rêve que c'est toi qui m'appelle. Dur de rester fort, en repose en paix. Je suis toujours cet homme qui fait tout pour te rendre fier. On m'a souvent dit je t'emmène, que tes paroles en l'air, leur discours c'est le même. Les trahisons, les coups durs, j'oublie rien et j'encaisse. Derrière un sourire pour cacher ce qui me blesse. Prenez ce que vous voulez tant que vous me laissez. Mes rêves, mes rêves, mes rêves, mes rêves. Tant que vous me laissez. Mes rêves, mes rêves, mes rêves, mes rêves. L'ami, on dit rien, on encaisse, on dira que c'est la vie. Je sais que souvent ça blesse, mais c'est que des on dit. Sur ma route, je prends de la vitesse, moi il faut que j'oublie. Et on dit rien, on encaisse, on dira que c'est la vie. Je sais que souvent ça blesse, mais bon, c'est que des on dit. Sur ma route, je prends de la vitesse, moi il faut que j'oublie. Comment réparer son cœur quand t'as pas les outils? Car on le sait, quand t'as besoin de réconfort, souvent t'es solo. Trop déçu par les gens, je préfère être solo. Je suis devenu tellement fort en me relevant solo. Quand je vois certains comportements, vaut mieux être solo. Au final tu vois, la jalousie les tuera. Fais ton taf et tais-toi, parle ou agis, c'est ton choix. Tu demandes pourquoi les gens parlent, car tout le monde veut ce que t'as. Vie à fond, t'arrêtes pas, pour regretter c'est trop tard. Souvent dit je t'emmène, que tes paroles en l'air, leur discours c'est le même. Les trahisons, les coups durs, j'oublie rien et j'encaisse. Derrière un sourire pour cacher ce qui me blesse. Prenez ce que vous voulez tant que vous me laissez. Mes rêves, mes rêves, mes rêves, mes rêves. Tant que vous me laissez. Mes rêves, mes rêves, mes rêves, mes rêves. J'ai trop entendu tes ghettos. Souvent déçu, donc je préfère être solitaire. Et dans ma tête c'est ghetto. J'ai du vécu, donc pas le choix, je reste solide frère. Solide frère, solide frère. J'ai du vécu, donc pas le choix, je reste solide frère. Solide frère, solide frère. Souvent déçu, donc je préfère être solide. On m'a souvent dit je t'emmène, que tes paroles en l'air, leur discours c'est le même. Les trahisons, les coups durs, j'oublie rien et j'encaisse. Derrière un sourire pour cacher ce qui me blesse. Prenez ce que vous voulez tant que vous me laissez. Mes rêves, mes rêves, mes rêves.